passe. Vas-y toi, arrête de me prendre la tête là, qu'est-ce que tu faisais avant? Okay. Pas de thune, on fait ce qu'il y a à faire, c'est pas toi qui donne à manger à ma mère. Alors, laisse-moi tranquille un peu. Tu pètes les plombs, Benny. Moi je veux de l'oseille. Tu veux de l'oseille? De l'oseille, y'a que ça de concret pour moi. À toi de voir. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de se faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. Tu veux quitter l'école? Béné, tu pètes les plombs, tu déconnes. Non, non. Où tu vas, beaucoup ont été. Mais autant que leur sourire, leur avenir y est resté. Ça fait de trois générations qu'on fait les mêmes choses. Pas de la même manière, mais on se fout en l'air pour les mêmes causes. Les mêmes toxicos arrachent leur mère pour les mêmes doses. Les halls changent d'aspect, mais nos frères gardent les mêmes poses. Dis-tu à quoi tu t'exposes? Si t'allumes la mèche, petit frère, faut bien que ça explose. Les mêmes contrats avec la rue, contenant les mêmes clauses. On bute si tu causes trop. Respire si t'es claustro. La rue c'est étouffant, y'a que des malades, c'est l'hosto. Les parcours atteints de scoliose. Plus personne ne marche droit dans la névrose. C'est ça que tu veux, Béné? Dis-moi, est-ce que c'est ça que tu veux? Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est ça ta vie, Béné? Dis-moi, est-ce que c'est ça que tu fais? Ouais, alors? Hein? C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. Si t'arrêtes l'école maintenant, dès maintenant, je peux te raconter ce qui risque fort de t'arriver, Béné. Tu vas monter une équipe, un ancien t'avancera de la coke et du shit. Pour la bicrave, il faudra un terrain. Comme t'es jeune et brave, tu l'obtiendras à coup de surin. Là, tu prendras la place de mecs qui sont en place depuis trop longtemps et qui oublient que le temps passe, mais chacun son temps. Toutes nos légendes sont mortes ou déchues, enfermées ou fichues parce que trop de séjours en prison, trop de séjours en HP. Quand je rappe la rue, c'est précis, c'est de la HD. Du détail au gros avec du grand et des gros flingues, tu feras des grosses tubes, de la bac au stup. Victime de ta répute, tout le monde aura un œil sur ta fortune. T'auras plus besoin de personne pour t'avancer quoi que ce soit. Tu descends en Espagne, t'es pas ça. Maintenant c'est toi qui distribue. D'autres attendent dans l'ombre patiemment que tu trébuches. Ouais ouais, mais t'inquiète, ils peuvent toujours attendre ma chute. J'serai toujours à la hauteur de ma répute. J'serai rusé, j'aurai confiance en personne, sauf à mes associés. Tous des cassos ou des chiffres. C'est maintenant qu'il faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin de leur diplôme, il me faut des billets. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. Ça, c'était la première étape. Maintenant que c'est toi qui distribue, les enjeux ne sont plus les mêmes, ainsi que les problèmes. Difficile de grimper sans faire du mal à personne, sans y laisser ta personne, sa personne n'a pu le faire. Un mec refusera de te payer, tu tiendras à ce qu'il soit le dernier à essayer. Il criera dans tout Paname qui t'a banane, et pour que tu récupères ta cam, il faut que tu le pannes. Quel culot! Je tuerai personne pour de l'argent, c'est vrai que je veux des thunes, mais j'ai quand même une éducation. Je suis pas cinglé, je veux pas me faire épingler à vie, mais une chose est sûre, je vais pas baltringuer. Hey, tu penseras ne pas avoir le choix, tu le feras. Tu le feras, c'est que tu le buteras, qu'est-ce que tu crois? Sinon d'autres mecs viendront te raqueter ta cam, tes gaufres et les lourds que t'as mis de côté. Tu tiendras trop à ta réputation d'homme d'action, donc tu passeras à l'action. Ça se prend une fraction de seconde, mortelle sera la sanction pour ceux qui restent en vie et ont vie ton ascension. Code va grimper, et même chez les condés, ton dossier va changer de fichier. Fichier au grand banditisme. T'imagines bien que la fin sera triste. Yeah. Tu te feras balancer sur un coup de fil anonyme, stoppé dans ta lancée. Sur un retour d'Espagne, tu te feras lever, charger. Le pire, c'est que même tes potes vont te charger. Commission, regarde-toi, écoute. T'as beau mettre toutes tes thunes dans le baveux, écoute. Tu feras 10 ans plein, même primaire. Te facturera ta peine, même si tu pleures des rivières. seule ta mère va t'assister. Après un an ou deux, tous tes potes vont se désister. Allez, peut-être qu'un seul te restera fidèle. C'est lui qui t'apprendra que ta meuf t'es infidèle. Tu vas péter les plombs, bloqué derrière les barreaux. Sortir au bout de 10 ans, usé au bout du rouleau. Avec une longue liste de comptes à régler. Mais les mecs de ton équipe se sont fait flinguer. Se sont fait dépasser par des petits jeunes ambitieux. Brave comme toi à l'époque encore plus vicieux. Pour pouvoir te refaire, qu'est-ce que tu pourras faire à part monter sur un braco, mais ça te coûtera cher. Rain, parce que la prochaine fois c'est 20 ans, t'es temps, car maintenant t'as aucune qualification. T'auras palpé trop de fric pour pouvoir accepter de bosser pour un SMIC. Tu seras pris dans la spirale, tu te rappelleras mes paroles. Tu enverras ceux qui auront poursuivi l'école. Il sera trop tard, ce qui est fait est fait. Tu regretteras l'époque où tu me disais. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? De toute façon, en France, on est grillé. J'ai pas besoin d'un diplôme, il faut des billets. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Faut des thunes, hein. Dis-moi, ça sert à quoi de faire des études? Ça sert à éviter la bigrave, la violence, la prison. Contempler autre chose que des tours comme horizon. C'est maintenant qu'il me faut des thunes. Ça sert à construire un avenir, nourrir l'espoir qu'on peut peut-être obtenir ce que nos parents n'ont plus à avoir. Bene, l'impasse. On n'en sort pas, vos petits frères nous remplacent dans l'impasse. Le choriste agresse les touristes, c'est triste. Ici c'est vie hardcore, cash money, risque. Il neige même sur nos collèges. Nos choristes font pas de solfège. Thug, life. Histoire se pète et tu crois être le plus vicieux. L'impasse.